Moi j'aime bien comme ça. Adorable, alors je sors de chez moi, kiffer la life et faire des envies. Toi tu vas au-dessus de toi, c'est plus vieux. Pas de batterie. Thank you. l'aurais fait si j'avais pas la perdre. Tu sais même pas car j'ai un truc important à faire. On est en drôle de pas la un peu de terre. Faut que j'aille au frigo chercher une galette. Tu me plais, là y'a pas comme ça t'as pas la tête. Vas-y, dépanne un peu, ce soir c'est la fête. Mais ne me parle pas trop s'il te plaît. Tu prends la tête, mais y'a les deux, j'ai pas la crâne. J'arrive sur le rond car coup de pas mon coup là. Le temps de bouger de là, car moi je ne risque pas. Jamais toqué, tu peux me prendre pour un toqué. Mais je me suis jamais drogué, mais j'ai troqué des objets. Je me suis fait égorgé, j'ai carré à trop de jaloux qui t'oublient vite. J'ai remarqué qu'être méchant rend les gens suspects. Mais ce mot est rempli de traîtres et de balances qui feraient n'importe quoi pousser pour la cadence. C'est l'inverse quand les souris sont absents de chagrin. Ça c'est que ça qu'on a fait la France ici, ça visait les sentiments. Ça oublie le reste, grâce à quoi ça se sent de pas mettre de veste. Que ça vise, mais toujours à côté. Sans parce que c'est des merdes, pas parce qu'ils sont fait boycotter. Poteau, sur. personnalité. Peut-être tu mangeras la tête pour autre chose. Non, je vais lâcher ma prose. Tu vas t'agir, mais c'est trop non pas son idée. Fatalité, je disais, dans sa réalité. Ou autre salité, jusqu'à ce que tu vas pas piquer. Yo, je vais danser les liens. C'est na wax fêlé, un jour pédé, moi j'étais tout le temps triste. C'est pas que je suis triste, mais juste que la vie me brise trop. Je brise trop. Regarde ce que tu fais quand tu tises trop. Tu vises mal quand tu pisses et tu veux retourner le bistrot. Moi je me fais discret. Pas vrai, magique, sinon. Yeah, toi t'es discrédité, distraité par l'aliénation. fait ça comme plusieurs trucs en même temps. Non, je suis là, je suis là. Kicker le mic comme ça. Tranquillou. Ok, on va partir sur un texte parce que. Ok, yo. C'est des petits gibrés, vous les imiter, mais fais vite fait, t'as négligé. T'as pas envie, tu vas irriter, tu vas m'irriter. Je sais pas, halluciner, si je me mets, tu vas halluciner. Chez moi, c'est bien, c'est yo. Depuis le lycée, yo. Barre les parler, c'est avec les yeux plissés, yo. Ne pas laisser passer, le passer, le clasher, les places. Au fond de la classe, c'est comme c'est prêt, le tout, c'est. Je m'imiter les phases, imiter les sages. Pour désirer, je m'y imposons. Disiliser contre les pages, j'ai plus de marge. Le savoir est une arme, je suis barge, moi je vais l'utiliser. Pire, je rime sur cette démocratie où la raison du peuple n'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple ne décide plus. Je veux le pouvoir pas donner, donc monter ne m'excite plus. Et c'est trop fastoche de perdre espoir, comme de mater les infos. Avec du pouvoir, esquiver les impôts, c'était que l'intro. Mais là, faut que je m'exprime, car c'est bien beau dans le micro d'aligner des crimes. Et bien les victimes, dehors, y'a plus de robots, et c'est la cause de ton extrême. Mais que fais-tu? Tu laisses les tasses faire niquer, c'est ça. Comme si tu croyais pas, comme si tu croyais plus. C'est la fin de la démocratie, un peu à cause de toi. Pourtant, le peuple cloue au sort. Le peuple s'enlise. Mais la force est en lui, non seulement moi j'y crois. Mais y'a des sages qui me disent. Le peuple s'enlise. Il est cloué au sol. Dis-moi, faudra-t-il, faudra-t-il libérer le peuple pour qu'il décolle. Sidérer les masses pour qu'elles s'envolent. Déparer nos armes à coups de bricole, on rap pistole. Et tu te demandes pourquoi des tonnes de gars se noient dans l'alcool, s'envoient des drogues dures, se font péter la cervelle. Viens voir comme c'est dur d'assumer le réel. Des sous manqués à la paire à chaque jour passé, aussi vite que tu devrais d'aide. Pour chaque million, racine et perdre espoir, c'est facile quand on regarde les infos. Avec du pouvoir, esquiver les impôts. Pour moi, kicker des impros. Passe un soir sans m'écouter, c'est déjà une pro. vie sur un chemin de campagne. Moi je crève là, moins de temps qu'il ne t'en faut pour le comprendre. Pendant que tu cogites, désolé mais je vais pas t'attendre. Je manie les lettres mieux que maître Capello et rêve d'être un jour sacré maître Capella. Yeah, ça s'embrouille, c'est pas grave. Tu vois le top, je suis au-dessus, un œil sur toi. Quand tu dors la nuit, bah je me balade sur les toits, je les vois. Les inconscients me tombent de l'eau, t'as l'esprit ouvert, moi. J'écris un cogito, un chant ski coca pour mon ami au lieu de sa coco. T'as kiffé la morphine, écoute ça la coco, ouais, vas-y, continue à kiffer. Quand je m'insinue, v'là l'allumer, décider du sud est assidu. Thank you. Thank you. Yeah.